Y a des tas de gonzesses qui font les bigueules, aussitôt qu'un homme veut les approcher. Il leur faut des compartiments d'âmes seules, elles ont trop peur d'avaler la fumée. Mais moi qui ne suis pas aussi chicandière, j'ai mon vrai de vrai, un homme affranchi. On n'a pas besoin de faire des manières, on s'a dans la peau et ça nous suffit. C'est pas une demi-portion, une galette, un avorton, lui c'est un mâle. J'aime son nez tout écrasé, sa mâchoire en or plombé, dans son teint pâle. Il peut me prendre mes sous, il peut me filer des coups, sans que je râle. Il a des gros biscottos, mais c'est lui que j'ai dans la peau, c'est le mâle qu'il me faut. Il m'arrive parfois quelques aventures, j'ai connu des hommes dans tous les milieux. Je suis un peu curieuse de nature, mais c'est encore lui, lui que j'aime le mieux. Il n'est pas rasé, tout son poil m'arrache, et quand il m'embrasse, il sent le tabac. Mais il me fait des tas de machines qu'attachent, et je suis famée quand je suis dans ses bras. C'est pas une demi-portion, une galette, un avorton, lui c'est un mâle. J'aime son nez tout écrasé, sa mâchoire en or plombé, dans son teint pâle. Il peut me prendre des sous, il peut me filer des coups, tant que je râle. Il a des gros biscottos, mais c'est lui que j'ai dans la peau, c'est le mâle qu'il me faut. Quand mon homme emballe une poule du grand monde, s'il a du pétard avec le bourgeois, pour tirer son couteau de sa profonde, c'est lui, c'est le premier, lui qui a la loi. Il a l'estomac avec un tatouage, sous tatouage un point d'interrogation. Ça lui permettra, car il est volage, de faire lui aussi un peu d'aviation. C'est pas une demi-portion, une galette, un avorton, lui c'est un mâle. J'aime son nez tout écrasé, sa cicatrice étalée sur son teint pâle. Il peut me prendre mes sous, il peut me filer des coups, tant que je râle. Il a de gros biscottos, c'est bien lui le roi des barbeaux, mais c'est le mâle qu'il me faut.